Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, I. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Unité, je veux plus d'unité. Marchons ensemble pour que nous puissions avancer. Unité, je veux plus d'unité. Je viens big up tous les sons qui la font bouger. Unité, je veux plus d'unité. Soyons nombreux pour lui permettre d'évoluer. Unité, unité. Pour les bourgeois et les cistas, pour les DJ et les singas, ceux qui font avancer la couche. Pour ceux qui aiment venir danser, ferme les yeux, laisse-toi aller. Le reggae est une source d'unité. Unité, je veux plus d'unité. Marchons ensemble pour que nous puissions avancer. Unité, je veux plus d'unité. Je viens big up tous les sons qui le font bouger. Unité, je veux plus d'unité. Soyons nombreux pour lui permettre d'évoluer. Unité, unité. Je demande de l'unité dans les cœurs désespérés. Pour ceux qui luttent, qui ne vont jamais lâcher. Je demande de l'unité, laissez-moi la diffuser. Jour après jour, il faut rester soudés. Tous ensemble, sur le même chemin. Restons ouais solidaires, ouais, donnons-nous la main. Pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est l'ambiguïté et l'audacie sur le refrain. Unité, je veux plus d'unité. Marchons ensemble pour que nous puissions avancer. Unité, je veux plus d'unité. Je viens big up tous les sons qui le font bouger. Unité, je veux plus d'unité.